بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer, inshallah ta'ala, le quatrième cours dans l'explication des annulatifs de l'islam. Et aujourd'hui, justement, on verra, bi'iznillah ta'ala, le quatrième annulatif. Et donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous dit, Ar-Rabi'u, من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Et donc il nous dit l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, le quatrième, c'est-à-dire le quatrième annulatif. Celui qui a la ferme croyance qu'une autre guidée que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que la sienne. Et que un autre jugement que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le sien. Comme ceux qui, ou comme celui qui va favoriser le jugement des Tawarit au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui-ci est un mécréant. Fin de citation. Et donc avant de rentrer dans les détails concernant ce quatrième point très important, il faut déjà qu'on sache qu'est-ce qu'un Tawarit, puisque ici, donc le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, il nous explique que celui qui va avoir dans sa croyance le fait que une autre guidée que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complète que la sienne, ou que un autre jugement que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le sien, est meilleur que le jugement du prophète, celui qui fait cela, c'est un incroyant, un mécréant. Pourquoi? Parce que cette personne, elle aura délaissé l'islam. Elle aura délaissé l'islam et elle aura mis l'islam et autre que l'islam au même niveau. Parce qu'en réalité, le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa guidée, qu'est-ce que c'est? C'est l'islam. Le jugement du prophète ainsi que sa guidée, c'est l'islam. Et donc la personne qui rejette le jugement du prophète, qui rejette la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rejeté l'islam. Et donc celui qui fait cela, il aura donc rejeter ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit El yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et donc la religion, elle est complète. Elle est complète. Celui qui croit donc qu'il y a un jugement qui est plus complet que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura donc rejeté cette religion. Celui qui pense qu'il y a une guidée qui est meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura rejeté ce avec quoi Allah a envoyé son prophète. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq » Il est celui qui a envoyé son prophète, qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Celui donc qui rejette, celui qui voit qu'il y a une guidée qui est meilleure que celle du prophète, a rejeté ce avec quoi Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son messager. Et l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il nous cite un exemple, il nous dit comme celui qui va favoriser le jugement des Tawarit à son jugement, donc au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait cela, c'est un incroyant. Qu'est-ce qu'un Tawarit? L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre très connu, I'lam al-Muwaqqi'in, Il nous dit الطاغوت كل من تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا. Très belle parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il nous dit, le tarout, c'est tout ce avec quoi le serviteur va dépasser ses limites. Tel que celui qui est adoré, celui qui est obéi et celui qui est donc suivi. Et donc, tout ce qui va faire que le serviteur va dépasser ses limites, va transgresser, tel que donc, celui qui est adoré, celui qui est suivi ou celui qui est obéi. Et donc, les gens vont transgresser par le moyen de cela. Donc, soit de celui qui obéit, comme on a ici pour le jugement, celui qui obéit, donc, il va donner un jugement qui appelle les gens à transgresser. Les gens vont donc transgresser, vont pécher, désobéir à Allah à cause du jugement de cette personne qui est obéie. Et donc, à ce moment-là, cette personne devient un tarout. Une personne qui est adorée. Donc, les gens, ils vont transgresser, vont désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, à cause de cette personne qui est adorée. Ils vont adorer cette personne, donc, et transgresser. Cette personne-là est un tarout. Et on a celui qui est suivi. Et donc, c'est-à-dire, il appelle les gens à une voie de l'égarement, etc. Et donc, celui-là aussi, il va être appelé tarout. Il appelle les gens à transgresser. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, mais par contre, concernant celui qui est adoré, celui qui est suivi et celui qui est obéi, il n'est pas voulu par là que ce sont les pieux. Je vous donne un exemple concret. Isa alayhi salam, est-ce qu'il est adoré? Oui, Isa, il est adoré. Isa alayhi salam, il est adoré. Et donc les gens, ils ont transgressé, ils ont dépassé des limites en adorant Isa. Est-ce que Isa, c'est un tarout? En suivant cette définition d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, non. Pourquoi? Parce que ici, Ibn al-Qayyim, il nous dit, il ne veut pas dire par là les pieux. Concernant ceux qui sont obéis, ceux qui sont suivis, ceux qui sont adorés, il met, et donc il retire les pieux de cela. Et il nous dit par la suite, Amma salihun. Et donc il nous dit, excusez-moi, il nous dit donc, ce qui est voulu par là, ce sont les pervers. Et donc ce sont ceux qui ne sont pas pieux, ce sont ceux qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi après il nous dit, Amma salihun, falaysu tawarit wa in ubidu. Il nous dit, concernant ceux qui sont pieux, comme Isa, il nous dit, alors ceux-là, ils ne sont pas des tawarit, même s'ils sont adorés. Ils ne sont pas des tawarit, même s'ils sont adorés. Pharaon, il appelait les gens à l'adorer. Et donc, c'est un tarout. Et donc, il faut bien comprendre ce qui est voulu ici. Et donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous dit, donc, celui qui va favoriser le jugement des tawarit au jugement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci est un mécréant. Et il n'y a nul doute, ô chers frères, que ceci est de la mécréance. Ceci est de la mécréance. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge de ce qu'il y a comme conflit entre eux. Puis, qu'ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes concernant cela, concernant ce jugement que tu as donné, et qu'ils s'y soumettent pleinement. Surat An-Nisa, le verset numéro 65. Et donc, il y a dans ce verset que je viens de vous citer plusieurs leçons très importantes que nous ont citées les ulémas. Parmi les leçons, nous avons le caractère obligatoire de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans toutes nos situations. C'est-à-dire dans toutes les situations que nous avons, tous les problèmes, commerce, conjugaux, tout, éducation, tout ce que nous avons, nous devons regarder quel est le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant notre situation. Et donc, il est obligatoire de faire cela. Et concrètement, certains savants comme Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafizahullah, ils abordent ce sujet et ils nous disent que la foi de l'individu ne se concrétise que par cela. La foi de l'individu ne se concrétise que par cela. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, la yu'minun, ils ne croiront pas. Et donc, effectivement, la foi de l'individu ne se concrétise pas sans cela. Et aussi, les savants, ils nous ont dit, en plus de cela, il ne faut pas donc que prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, mais en plus de cela, il faut être satisfait, il faut accepter le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas que le mettre en pratique. Mais il faut aussi dans ton cœur, il faut que tu l'acceptes et que tu en sois satisfait. C'est pour ça qu'il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Puis ils ne trouvent en eux-mêmes, dans leur cœur, ils ne trouvent aucune gêne du jugement que tu as donné. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte pleinement ce jugement. Et ensuite, ils nous disent, les savants, on comprend aussi de ce verset qu'en plus de cela, il nous est obligatoire de nous soumettre pleinement au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça fait trois éléments obligatoires. Trois éléments. Le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, le fait d'accepter son jugement et le fait de s'y soumettre pleinement. Et les savants, ils nous disent, s'il y a un de ces trois points qui est manquant, alors la foi de l'individu, donc la foi qui doit être dans le cœur de l'individu, sera manquante. Soit cette foi sera totalement manquante, soit elle sera partiellement manquante, en fonction du cas de chacun. En fonction du cas de chacun. Et donc ce sujet, oh chers frères, le sujet qu'on voit ce soir est un sujet d'une grande importance. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullaha wa ati'urrasul wa ulil amri minkum. Oh vous qui avez cru, obéissez à Allah. Et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Sourate An-Nisa. Si vous croyez en Allah tabaraka wa ta'ala et au jour dernier. Et donc, nous devons renvoyer nos conflits, tous nos sujets de désaccord à Allah et à son messager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons un conflit, nous avons un désaccord, nous devons regarder qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre. Et vers son messager, nous regardons qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ou quel est son jugement dans la sunna concernant cette situation. Et ici, on comprend très bien dans le verset, il nous dit fi shay'in. Et donc, si vous vous disputez dans quoi que ce soit, dans quoi que ce soit. Et donc, ça veut dire, ça englobe tous les conflits, tous les désaccords. C'est général. Et il nous dit, in kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. Si vous êtes croyant. Voilà pourquoi certains savants, ils nous disent. Et donc, si vous vous disputez en quoi que ce soit, et qu'ensuite vous ne renvoyez pas votre conflit à Allah et à son messager, alors vous n'êtes pas croyant. Subhanallah. Subhanallah, c'est une parole lourde. Parce que le sujet est grave et important. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le droit, oh mes frères, nous n'avons pas le droit donc de rejeter le jugement d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de son messager. Et c'est de là qu'on va aborder un autre sujet. Le sujet de celui qui va juger par autre que les lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc celui qui juge par, qui ne juge pas par ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre, alors celui-ci est en grand danger. Il est en grand danger et il se peut qu'il sorte de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans Sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 44, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Ceux qui ne jugent pas par ce que Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les incroyants. Dans le verset numéro 45, « الظَّلِمُونَ » Et donc ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les injustes. Dans le verset numéro 47, il nous dit Oulaika fa oulaika humul fasiqun. Et donc ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les fasiqun, les transgresseurs. Et donc le sujet est dangereux, oh chers frères. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Et certes, il y a un groupe, comme on l'a annoncé, il y a un groupe qui se sont égarés concernant ce sujet. Les takfiriyoun, les khawarij. Ceux qui vont donc taxer toute personne qui juge par autre que les lois d'Allah, ils vont les taxer de mécréance. Or, nous disons bien, il se peut que la personne sorte de l'islam. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'une personne va juger par autre que les lois d'Allah, que cette personne va sortir de l'islam. Mais chez les khawarij, chez les takfiri, ils voient que à partir du moment où la personne juge par autre que les lois d'Allah, elle sort tout de suite de l'islam. Et ces personnes-là, ils s'appuient sur les livres de certaines personnes égarées, certains fondateurs de leur mouvement, comme Sayyid Qutb et d'autres. Et donc ce sujet est très important et on va essayer de le détailler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, même si là on a déjà passé donc un peu plus de 20 minutes. Ibnillah, je vais essayer de vous résumer cela, Inch'Allah Ta'ala, que ça soit bénéfique pour tout le monde. Parce que ces gens-là, ils vont taxer les gouverneurs de mécréants. C'est-à-dire que les gouverneurs qui ne jugent pas par les lois d'Allah, ils vont tous les taxer de mécréants. Et ensuite, toutes les personnes qui ne voient pas que ces gouverneurs-là sont mécréants, eh bien ces gens-là, ils vont dire eux aussi, ils sont mécréants. Voilà pourquoi ils vont nous dire au final, il n'y a pas de pays musulman. Comme certains nous disent, il y a certains takfiri qui sont venus une fois pour débattre avec moi à la mosquée, ils me disent, non, il n'y a pas de pays musulman. Pourquoi il n'y a pas de pays musulman? Parce que les gens, ils sont avec les gouverneurs. Et donc, à partir de là, ils ne sont pas musulmans. Et donc, cette parole, elle est grave, oh, chers frères. Et cet égarement, il est profond. Quelles sont leurs preuves? Et donc, ils se sont basés sur le même verset que je vous ai récité tout à l'heure. Sourate Al-Ma'ida, le verset 44. « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Et ceux qui ne jugent pas par... Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les incroyants. Alors comment nous allons répondre à cette incompréhension? Parce que eux, ils viennent Attention, ils viennent à nous, ils nous disent « Oui, le verset, il est clair. » Le verset, il est clair. Celui qui ne juge pas par les lois d'Allah, c'est un incroyant, c'est un mécréant. Le verset, il est clair. La réponse, elle est simple. Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, « As-sabiqoun al-awwaloun, min al-muhajirin wal-ansar, wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan, radiyallahu anhum wa radu an. » Les prédécesseurs, les premiers, parmi les muhajiroun et les ansar, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. C'est-à-dire, eux, ils sont satisfaits de ce que Allah leur a accordé. Et donc, on comprend dans ce verset, ô chers frères, que Allah, tabaraka wa ta'ala, est satisfait des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il est satisfait de ceux qui les ont suivis. Et donc, il est impératif que notre compréhension du Coran soit conforme à la compréhension du compagnon du des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si nous voulons la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah, tarahimahullah, il nous dit une très belle parole qui est présente donc dans son Majmou', dans le Majmou', donc le 13e volume, à la page numéro 243. Il nous dit quoi, Ibn Taymiyyah, rahimahullah? Il nous dit, من فسر القرآن أو الحديث وأوله على غير تأويل الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلام عن مواضعه وهذا فتح للزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من الدين أو من دين الإسلام. Et donc il nous dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, celui qui va interpréter le Coran ou le Hadith, celui qui va expliquer le Coran ou le Hadith et lui donner une autre interprétation que celle des compagnons et des tabi'in, les élèves des compagnons. Et donc celui qui va lui donner une autre interprétation que celle des compagnons et des tabi'in, alors celui-ci est un menteur concernant Allah et donc un transgresseur concernant les versets d'Allah. Et c'est une personne qui change les paroles après qu'elles aient été inscrites. Il change le sens des paroles. Et ceci est le fait d'ouvrir une porte à l'hypocrisie et à l'égarement. Et cela, donc, est connu, et donc la fausseté de cela est connue de tous. Ma'loum bil ittirar, c'est connu et c'est une évidence. Et donc, il nous dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tarahimahullah, et donc que cela est connu, que c'est une évidence, que c'est une fausseté concernant la religion de l'islam. Et donc, il est interdit aux chers frères d'interpréter le Coran, d'interpréter le Coran en changeant les sens. Et comment veux-tu connaître le sens du Coran, la signification des versets? Il t'est obligatoire de regarder la compréhension des pieux prédécesseurs. Comme on dit en arabe, as-salafu salih. Il t'est obligatoire. Ces gens-là, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont eux qui ont le mieux compris la religion, et ce sont eux dont Allah tabaraka wa ta'ala a fait leurs éloges, ce sont eux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nasi qarni, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, les tabi'in, puis ceux qui les suivent, etba'u tabi'in. Et donc il nous est obligatoire, ô chers frères, de comprendre le Coran, que notre compréhension soit conforme à la leur, à celle des compagnons, des premières générations. Ibn Battah, qui est mort en 382 de l'Hégire, il nous dit, rahimahullah, donc, « Babu dhikri al-dhunub, allati yaslu biha sahibuha ila kufrin ghayri kharijin anil islam. » Il nous dit, chapitre concernant les péchés dont leurs actes, hein, donc dont leurs auteurs, vont parvenir à une mécréance, c'est-à-dire donc une forme de mécréance, qui ne les fait pas sortir de l'islam. Subhanallah. Une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Eh oui. Et ensuite, Ibn Battah, il nous cite des hadiths, ainsi que des athars, donc des paroles des compagnons, des tabi'in, qui nous permettent de comprendre cela. Des péchés qui vont faire que les personnes vont tomber dans une mécréance, mais ce n'est pas une mécréance qui les rend mécréants. Et oui, car il y a deux formes de mécréance. Il y a la mécréance qui te fait sortir de l'islam, et il y a la mécréance qui ne te fait pas sortir de l'islam. De la même façon que nous avons aussi le shirk al-akbar, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Et donc, parmi les textes qu'il nous cite, il nous cite avec sa chaîne de transmission qui monte jusqu'à Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui cite concernant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des incroyants. Il nous dit, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, هِيَ بِهَا كُفْرٌ وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Il nous dit, et cela, c'est de la mécréance. Mais ce n'est pas comme celui qui a mécru en Allah, ainsi qu'à ses anges, à ses livres et à ses messagers. Ah, et donc c'est de la mécréance, mais ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de l'islam. Taous, il dit, concernant l'explication de ce verset, Laysa bi kufrin yukhrijou anil millah. Il nous dit, ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de la religion. Attends, qui nous dit, Kufrun duna kufrun wa dhulmun duna dhulmun kufrun duna kufrin wa dhulmun duna dhulmin wa fusukun duna fusukin. Et donc il nous dit à toi, une mécréance qui est en dessous d'une autre, une injustice qui est en dessous d'une autre injustice, et une transgression qui est en dessous d'une autre transgression. Et donc il est important de comprendre cela, ô chers frères. Et donc, il est important de comprendre et de revenir vers l'explication des pieux prédécesseurs, l'explication des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui ont été agréés par Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi nous posons la question aux takfiris. Nous leur disons, mais est-ce que vous taxez Ibn Abbas de mécréance? Est-ce que vous taxez tous ceux qui l'ont suivi parmi les imams de la communauté, est-ce que vous les taxez de mécréance? Parce que ils ne rendent pas mécréant toute personne qui juge par autre que les lois d'Allah. Et donc cela nous montre clairement l'égarement de cette secte, car leur croyance leur pousse à taxer les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mécréance. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit dans son livre Madarij al-Salikin, il nous dit, والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. Il nous dit, et l'avis qui est correct, il nous dit ce qui est correct, c'est que le jugement, le fait de juger par autre que ce que Allah a fait descendre, cela englobe deux formes de mécréance, la mécréance mineure et majeure, en fonction de la situation de celui qui juge, en fonction de la situation du gouverneur. Car, fe'innahu, il nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, fe'innahu, in'i'taqada wujub al-hukmi bima anzal Allah, fi hadhihi al-waqi'ah. وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. Il dit Ibn al-Qayyim, car si cette personne, si ce gouverneur, il a la ferme croyance qu'il est obligatoire de juger avec ce que Allah a fait descendre dans ce sujet précis, mais que celui-ci a dévié, il n'a pas appliqué le jugement d'Allah et de son messager, mais il a fait cela par péché, tout en n'affirmant, donc tout en reconnaissant qu'il mérite la sentence par rapport à ce péché qu'il accomplit, alors ceci, c'est de la mécréance mineure. Ceci, c'est de la mécréance mineure, il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et il continue, Ibn al-Qayyim, il nous dit, « Wa in ya'taqada annahu ghayru wajibin wa annahu mukhayyarun » fihi ma'a tayakkunihi annahu hukmullahi ta'ala fahada kufrun akbar. Il nous dit, s'il a la ferme croyance, il nous dit par contre, si ce gouverneur a la ferme croyance que il ne lui est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas obligatoire d'appliquer la loi d'Allah, et que il a le choix, tout en ayant la certitude que ce jugement qu'il a délaissé, c'est le jugement d'Allah Ta'ala, alors ceci, c'est de la mécréance majeure. Là, c'est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Et ensuite, il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, troisième cas, « Wa in jahilahu wa akhta'ahu, fa hadha mukhti'un lahu hukmul mukhti'in » Il nous dit par contre, s'il ignore le jugement d'Allah, c'est-à-dire que ce gouverneur, il va appliquer un jugement, mais qui est contraire au jugement d'Allah, mais de toute façon, il ne connaît pas le jugement d'Allah, il ne savait pas que c'était autre chose le jugement d'Allah. Alors Ibn al-Qayyim, il nous dit, et donc à ce moment-là, cette personne s'est trompée et elle a le jugement de ceux qui se sont trompés. Et donc on comprend ici clairement, aux chers frères, que les khawarij, les takfiriyin, ils se sont égarés dans ce sujet et qu'ils ont taxé injustement les musulmans de mécréance et qu'ils ont semé le désordre sur terre et qu'ils ont fait couler le sang. Et cela est grave. Et d'ailleurs, nous avons aussi d'autres éléments qui montrent les égarements de cette secte. Nous avons aussi la connaissance des causes, donc la connaissance des causes de la révélation. En Martinique, à la mosquée de Fort-de-France, lorsqu'on a vu le tafsir, lorsqu'on a vu le tafsir de certains versets de Juz Amma, de l'Fatiha, on a dit qu'il est important de connaître les causes de la révélation. Muslim, il nous cite dans son Sahih, selon le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bara ibn Azib, qui nous dit « Murra ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam biyahudiyin muhammam al-wajj majloudan. » Et donc, des gens sont passés près du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un juif qui avait le visage assombri par du charbon et qui avait été fouetté. Fada'ahumun nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam faqal hakadha tajiduna hadd az-zani fi kitabikum. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a interpellés lorsqu'il a vu ça, parce qu'en fait cet homme, les juifs, ils avaient appliqué sur lui cette sanction, donc le charbon sur le visage et le fait de le fouetter, parce que cet homme avait forniqué. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés, il a interpellé les juifs, et il leur a dit, c'est ainsi que se trouve la sanction du fornicateur dans votre livre, donc dans la Torah, c'est ainsi. Alors, qalu na'am. Alors, ils ont dit oui. Oui, ils ont dit oui, c'est ça le jugement, c'est ça la sentence du fornicateur. Fada'a rajulan min ulama'ihim faqal anshuduka billah alladhi anzala at-taurata 'ala Musa hakadha tajiduna hadd az-zani fi kitabikum. Alors, à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interpellé un homme qui faisait partie des savants parmi les juifs. Alors il lui a dit, je te demande par Allah, celui qui a fait descendre la Torah sur Moussa, Est-ce ainsi que vous trouvez le jugement de ou la sentence du fornicateur dans votre livre? Alors l'homme, il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: La, walaula annaka nashadtani bihadha lam ukhbirk najiduhu rajm lakinnahu kathura fi ashrafina wa kunna idha akhadhna ash-sharifa tarakna wa idha akhadhna ad-da'ifa aqamna alayhi al-hadd. Et donc cet homme, il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: Non. Non, ce n'est pas la sentence, ce n'est pas cette sentence-là qu'il y a concernant le fornicateur dans notre livre. Et si tu n'avais pas juré par cela, donc parce que le prophète, il a juré, il a dit, je te demande par Allah, celui qui a fait descendre la Torah sur Moussa. Et donc là, ça a touché cet homme. Il lui a dit, si tu n'avais pas juré par cela, je ne t'aurais pas informé. Je ne t'en aurais pas informé. Le jugement que nous trouvons dans notre livre, c'est ar-rajm, la lapidation. Cependant, la fornication s'est répandue chez nos nobles. Donc les nobles parmi les juifs, ils forniquaient beaucoup. Et lorsque on attrapait un de nos nobles qui était fornicateur, alors on le laissait. On le laissait. Et lorsqu'on attrapait un de nos faibles qui forniquait, alors on appliquait sur lui la sentence, c'est-à-dire la sentence de la lapidation. Ensuite, il continue cet homme et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: "Fakulna ta'alaw najtami'u 'ala shay'in nuqimuhu 'ala 'ala ash-sharif wal wadi'." Alors nous nous sommes dit: "Venez, nous nous mettons d'accord sur quelque chose, sur une sanction que nous allons appliquer sur le noble et sur donc le faible." فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ. Et donc nous avons placé la sentence du charbon et du fouet à la place de la lapidation. Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Allahumma inni awwalu man ahya amrak idh amatuh. Il a dit: Oh Allah, je suis le premier qui a redonné vie à ton ordre après que ceux-ci l'aient délaissé. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que cet homme, donc ce juif, soit lapidé. Le juif donc qui avait forniqué. Pourquoi? Parce que cela s'était produit à Médine. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gouvernait à Médine. Et donc, il a appliqué donc la sentence sur cet homme. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre sa parole: Ya ayyuha ar-rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Oh messager, que ne t'attriste pas donc le cas de ceux qui se précipitent vers la mécréance. Jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: In utitum hadha fakhudhu. Si on vous donne cela, alors prenez-le. Si on vous donne cela, alors prenez-le. Ça, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant les juifs qui disaient: In utitum hadha fakhudhu wa in lam tu'tahu fahdharu. Si on vous donne cela, alors prenez-le. Et si on ne vous le donne pas, alors méfiez-vous, délaissez-le. Al-Bara, qui nous rapporte ce hadith, il nous explique donc ce verset. Il nous dit donc que les juifs, ils disaient: Allez voir Mohammed. Et s'il vous ordonne la sentence par le charbon et le fouet, alors prenez-la, prenez cette sentence. Mais si il vous ordonne ar-rajm, la lapidation, alors ne prenez pas cette sentence, ne la prenez pas. Et donc voilà donc la raison de révélation de ce verset. Et ensuite, c'est à ce moment-là que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre sa parole: wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. C'est là qu'il a fait descendre cette parole: ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des incroyants, et dans un autre verset, des injustes, et dans un autre verset, des transgresseurs, al-fasiqun. Et donc tous ces versets qu'ont utilisé les takfiris. En réalité, ces versets ont été descendus sur des incroyants. Ils ont été descendus par la cause des juifs. Ces versets n'ont pas été descendus sur des musulmans. Et donc les takfiris, ils ont appliqué ces versets sans respecter les causes de révélation. Et regardez, si vous avez bien compris ce récit, ce hadith que je viens de vous réciter, vous voyez bien que ce verset n'est pas descendu sur des gouverneurs, mais il est descendu concernant des juifs qui étaient gouvernés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le fait que les takfiris, ils utilisent ce verset pour taxer spécifiquement des gouverneurs de mécréance, ceci est une injustice concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car ce verset ne concerne pas les gouverneurs, mais il concerne les juifs qui ont refusé le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les juifs, ils ont changé le jugement d'Allah. Et ils ont attribué le jugement qu'ils ont fait, leur nouveau jugement, ils l'ont attribué à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont fait rentrer dans la législation d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Rappelez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit « Eh hakadha tajiduna hadda zani fi kitabikum » il leur a dit « C'est ainsi que vous trouvez la sentence du fornicateur dans votre livre ?» Ils ont dit « Oui !» Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'ils ont attribué cette sentence à Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabikum, dans votre livre. C'est quel livre? C'est la Torah. La Torah, c'est le livre d'Allah. Et donc, ils ont changé la sentence. Et ensuite, ils ont attribué cette sentence à Allah tabaraka wa ta'ala. Et après cela, ils ont aggravé leur cas. Ils se sont détournés de la sentence, de la réelle sentence. Et ils disaient, si Mohammed vous donne autre que cela, alors ne le prenez pas. Et c'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole. Après que ces gens aient modifié, après qu'ils aient attribué la modification à Allah, et après qu'ils se soient détournés du jugement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, l'individu ne sort pas de la religion juste parce qu'il a jugé par autre que les lois d'Allah. Cependant, il juge, et cependant cette personne sort de la religion lorsque elle rend licite son acte, comme les juifs l'ont fait dans le hadith dans Sahih Muslim que je viens de vous réciter. Et donc cette personne rend licite son acte, à ce moment-là, cette personne sort de l'islam. Ou alors lorsque cette personne va donc attribuer ce jugement à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle juge par autre que la loi d'Allah et ensuite elle l'attribue à Allah. Là, cette personne-là va sortir de l'islam. Ou alors la personne qui va favoriser un autre jugement que celui d'Allah. Comme les juifs l'ont fait dans ce récit. Ils ont favorisé un autre jugement. Et ils disaient, si Mohammed il vous donne autre que cela, alors ne le prenez pas. Et donc, il est important aussi, Afkar, d'apprendre notre religion, el-ilm, pour bien comprendre ce sujet très important. Ici, vous voyez clairement l'égarement profond des takfiriyin. Et donc, ils se sont trompés, donc, concernant la compréhension des pieux prédécesseurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils se sont trompés concernant, donc, concernant la cause de révélation du verset, comme on vient de le voir. Et encore un autre point encore, ils se sont trompés dans la signification linguistique du verset. Et oui, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des incroyants. Ici, le terme « man » que j'ai traduit par « ceux », c'est une parole générale. C'est-à-dire, ce ne sont pas que les gouverneurs, c'est une parole générale ici. Pourquoi est-ce que vous attribuez ce jugement spécifiquement au gouverneur, alors que cette parole, elle est générale? Deuxième généralité qu'il y a dans le verset, la parole « mais ». « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ » Et ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre. C'est général. Ce verset est donc général. Il concerne tous les sujets de notre vie. Ça ne concerne pas que le fait de juger, de gouverner un pays, mais ça concerne aussi ce que tu fais dans ta cuisine, ça concerne ce que tu fais dans tes toilettes, ça concerne ce que tu fais quand tu prends ta douche, ça concerne ce que tu fais avec tes épouses, ça concerne ce que tu fais avec tes enfants, ça concerne ce que tu fais au travail, ça concerne ce que tu fais au marché. Ça concerne toute notre vie. Car le sens du verset dans la langue arabe, il est général. Et donc les takfiris se sont trompés aussi dans la compréhension de la langue arabe. Voilà pourquoi, si les takfiris, donc, délaissent la compréhension des pieux prédécesseurs que nous avons cités en début du cours, s'ils délaissent la compréhension correcte, alors, à ce moment-là, il leur est impératif de se rendre eux-mêmes mécréants. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le voir, ce verset est général et il concerne toute situation, tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre. Et donc, il n'y a pas une seule personne sur terre qui ne tombe pas dans le péché. Et donc, nous tous, nous sommes concernés par le fait de contredire la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala à un moment ou un autre. Et donc, si une personne, par le fait de contredire la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle sort de l'islam, il n'y a plus un seul musulman à la surface de la terre. Et les takfiris, ils doivent se rendre mécréants eux-mêmes. Voilà pourquoi les savants, ils leur disent: « Oh vous les takfiris, rendez-vous vous-même mécréants avant de rendre les autres mécréants. » Et là, on comprend clairement l'ignorance de ce groupe. Et s'ils ne se rendent pas mécréants, ils sont contradictoires. Parce qu'ils nous disent « Le verset est clair », comme on l'a vu au début du cours. Ils nous disent « Le verset est clair, le verset est clair. Quiconque qui ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un mécréant. » On va lui dire « Taïb, toi t'es tombé dans tel péché. » C'est quoi le fait de ne pas juger par les lois d'Allah? C'est le fait de ne pas les appliquer. À tel moment, tu n'as pas appliqué la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsque tu es tombé dans tel péché. Et donc, tu es sorti de l'islam. Si tu n'appliques pas cela, tu t'es contredit dans ta propre voie. Voilà pourquoi il est obligatoire d'appliquer, il est obligatoire de comprendre les paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'avoir la même compréhension que celle de nos pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà pour aujourd'hui, inshallahu ta'ala, en espérant que, avec cette explication, que ce sujet soit devenu beaucoup plus clair pour nos frères. Et si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont ce genre d'ambiguïté, alors n'hésitez pas à leur envoyer donc cet audio, l'enregistrement, inshallahu ta'ala, ou de leur envoyer les différents écrits et les différents cours qu'ont fait les prédicateurs francophones de façon générale. Cela leur sera très très très très profitable. Cela leur sera très très très profitable. Et donc voilà pour aujourd'hui, inshallahu ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous une compréhension correcte de sa religion. Il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً